On écoutait le morceau Jacques à la radio. On m'entend là, je ne sais pas trop. Ah oui, d'accord. Donc pas de jingle, c'est pas grave. C'est pas grave, je signe pas de jingle. Hein ? Oui, alors un jingle, allons-y. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et ouais, ça valait quand même le coup, c'est moi qui l'ai fait, le jingle. Alors, lieu de rendez-vous des découvertes techniques de la poésie fluviale et des manifestations artistiques, situé en plein cœur de la ville, en bordure de Garonne, l'espace EDF Bazacle propose une nouvelle exposition, originale et super participative, consacrée à l'innovation et à la créativité. Ça s'appelle « Innover à l'impératif » avec un Z et un point d'exclamation, je l'ai déjà dit. « Innover » a démarré déjà le 1er décembre 2017 et vous pouvez la découvrir, chers auditeurs, jusqu'au 10 juin 2018. Cette exposition met à portée de tous l'innovation, les outils créatifs ou encore la fabrication numérique afin de permettre à chacun de révéler sa propre créativité ou pourquoi pas imaginer les inventions de demain. Cette exposition est gratuite et elle a été conçue par Science Animation qui, avec le concours de partenaires scientifiques, industriels ou éducatifs, s'emploie à mettre à la portée de tous la science, la technique et l'innovation pour favoriser l'intérêt, le plaisir ou tout simplement l'étonnement. Et pour en parler ce soir avec nous, nous recevons Sarah Debeau, chargée de projet, médiation et innovation citoyenne pour Science Animation. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Rien à voir quoique. Alors votre titre, je répète, c'est chargée de projet, médiation et innovation citoyenne. Évidemment, ma première question, qu'est-ce qu'on entend par innovation citoyenne ? Alors, je pense que d'une part, l'innovation, c'est quelque chose qui est forcément un engagement citoyen, puisque une innovation, ça s'adresse à un public. C'est censé aussi modifier le quotidien des gens. Pardon. C'est censé aussi modifier le quotidien des gens et l'améliorer. Donc, ça va dans cette démarche-là. Quand on parle d'innovation citoyenne, alors nous, on est une association qui est plutôt spécialisée dans le milieu éducatif. Donc, on s'adresse à des jeunes. Là, on va dire que tout ce qui est question d'innovation, ça va être plutôt orienté sur les lycéens et les étudiants. Et donc, par exemple, hier, j'ai travaillé justement avec des lycéens, de jeunes lycéens qui sont à qui on a lancé en fait un défi qui s'appelle le défi innovation, savoir-faire et tradition. Et donc eux, ce sont des lycéens qui ont des aptitudes donc en maroquinerie ou dans les métiers du bois, et on leur demande d'imaginer à partir de leur savoir-faire des innovations, donc d'allier en fait savoir-faire traditionnel et des choses assez innovantes. Donc par exemple, on a eu des idées de sacs pour cyclistes avec des lumières qui chauffaient le dos, des choses comme ça. Et donc c'est du faire ou c'est Ça, pour l'instant, c'est la partie innovation dans le sens donc le concept. Donc, on va voir que l'innovation, ça se divise en plusieurs parties. On a la partie créative qui va être au début, puis après, effectivement, tout ce qui va être prototypage et concrétisation. Et c'est pour ça qu'ils ont été amenés à travailler avec des étudiants entrepreneurs. Donc, nous, on a fait le lien avec ces étudiants-là pour pouvoir, en fait, concrétiser ce projet-là. Donc, voilà, ça, c'est un exemple d'action qu'on peut faire dans l'innovation citoyenne avec des jeunes. Alors, sur le site de Science Animation, vous dites vouloir décentraliser la médiation des sciences. J'aimerais bien savoir ce que vous, pour vous, ça veut dire quoi concrètement ? Décentraliser. La médiation des sciences, ça veut dire la mettre à portée de tous, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que, justement, on va aller dans des lieux comme le Bazacle, qui sont des lieux assez fréquentés par différents types de publics, quand même. On intervient également au Quai des Savoirs, dans d'autres endroits. Donc, nous, on crée des expositions, mais on n'a pas de lieu d'exposition à proprement parler. Donc, de toute façon, on est obligé de décentraliser. Et par ailleurs, on a beaucoup d'expositions en itinérance, dans toute la France, et parfois dans les dom-toms aussi, et ailleurs. Alors, à propos de l'exposition, je cite encore, grâce à des modules à la fois riches et décalés, on en reviendra en deuxième partie dans le détail, cette exposition thématique veut donner envie à chacun et à chacune d'imaginer, échanger, expérimenter, se tromper, j'insiste là-dessus, créer et recommencer à travers un programme varié d'animation, expérimenter, se tromper, recommencer, c'est vrai, c'est pour avancer, c'est ça, innover. J'aime bien l'idée de se tromper, alors tout je vais citer Einstein, allez, allons-y. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Exactement. Et c'est tout à fait. Alors au début, justement, quand on a la partie créative, en fait, on diverge, c'est-à-dire qu'on brainstorm. Alors il y a plein de façons de le faire, il y a plein de méthodes, mais on part dans tous les sens. Et la première règle, c'est de ne pas se censurer. et de ne pas critiquer. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une idée complètement farfelue, qui n'a aucun sens. Et en fait, bah non. À partir de là, il y a quelqu'un qui va penser à autre chose et on associe les idées. Et donc voilà, ne pas juger. On n'a pas toujours l'habitude de ça, de vraiment laisser l'autre s'exprimer en lui disant mais non, mais ça c'est pas nul. Tout à fait. Puis on essaye aussi beaucoup d'être réaliste au début. On se dit, ah mais non, c'est pas réalisable, c'est fou, alors qu'en fait, non. Donc l'idée, c'est de sortir du cadre. C'est ça qu'on essaye de faire, sortir du cadre qui peut être trop scolaire, mais autre. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est un peu cantonné des fois à des principes qui nous aident pas forcément à innover. Et ça, à Science Animation, vous pouvez avoir des actions concrètes, par exemple, pour une entreprise qui a envie d'innover sur un projet, et vous animez des ateliers ou... Alors, on anime des ateliers essentiellement auprès des jeunes, comme je le disais, effectivement, mais on peut tout à fait... Enfin, c'est des méthodes qui sont utilisées, employées dans des entreprises, de toute façon. C'est des méthodes de base de créativité et d'innovation voilà, qui sont utilisées par tout à chacun, finalement. Voilà, mais on essaye juste de les faire connaître. Comment est né ce projet, alors, à EDF Bazac, Innover ? Alors, on va dire que Innover, c'est une exposition qui a émergé en 2013 par l'équipe de Science Animation. Il y avait également une exposition qui s'appelle Do It Yourself, fais-le toi-même. Et on a en fait décidé de scinder ces deux expositions parce qu'elles font complètement sens ensemble. C'est-à-dire que d'abord on va innover, imaginer, et ensuite on va concrétiser en prototypant et en modélisant, en fabriquant. Donc voilà, on a décidé de l'amener dans l'espace EDF Bazac, qui souhaite maintenant un peu plus se lancer dans ce genre de choses. Donc c'est pas une commande de l'espace EDF par toujours. Exemple. Si, toujours, si c'est dans ce sens-là que ça marche. C'est chez eux, voilà, tout à fait. On a déjà fait plusieurs expositions avec eux. Et alors, comment on construit ce genre d'exposition qui va durer plus de 6 mois? Donc, vous l'avez dit, 2013, parce qu'elle a déjà circulé. Tout à fait. En France et ailleurs. Oui. Je pense qu'elle a pu aller en Martinique, effectivement, et c'est possible. Et vous l'avez adapté à l'espace Bazac en particulier? Alors, on l'a adapté, effectivement, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des contenus qui soient interactifs, manipulables. Donc, on a rajouté des éléments. Par exemple, on a une carte participative qui représente Toulouse. Et le but, c'est que chacun mette des lieux créatifs. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée en tête comme ça d'un lieu qui vous inspire, dans lequel moi, vous vous sentez déjà, bien. Il y a plein de post-it partout. Donc, voilà, il y a par exemple, il y a le Mix Art, il y a les workshops, enfin voilà, tous ces endroits-là... émergent, mais ça peut être un café qu'on aime bien aussi. Oh, on pourrait mettre la radio. Tout à fait. Au lieu voilà. De création. Donc on l'adapte au lieu, effectivement. Il y a des petits, il y a des jeux aussi. On a mis tout un tas de jeux de société, voilà, à disposition. On a créé en fait d'autres petites manips. Par exemple, on a une manip avec, alors on appelle ça dans le jargon des manips, c'est des petits jeux en fait qu'on peut manipuler. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et donc, par exemple, on a trois roues qui correspondent à des contraintes créatives. Ça veut dire qu'on vous demande d'imaginer une solution qui soit, par exemple, écologique et en plus qui soit participative. Et là, il faut essayer d'imaginer quelque chose. On incite les gens à imaginer. Voilà. Mais vous n'êtes pas tout le temps là? Pendant l'exposition. Non. Alors, quand on est tout seul, est-ce qu'on... On peut tout à fait visiter l'exposition en autonomie. Alors après, ça peut être frustrant, mais c'est pas plus mal. Comme ça, les gens reviennent pour être là le week-end et pouvoir assister aux ateliers. Et alors, vous travaillez en collaboration avec des spécialistes, des chercheurs, des scientifiques, des geeks? Alors, en général, pour tout type d'exposition, c'est vrai qu'on travaille avec un comité scientifique. Là, on a dû faire appel à notre réseau, probablement. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de recherches parce que tous ces outils-là, en fait, sont assez connus depuis longtemps, finalement. Mais peut-être plus par le milieu professionnel. Et nous, ce qu'on veut, c'est les rendre accessibles plutôt au grand public. Voilà. Alors, vous travaillez aussi... Enfin, il y a une scénographie qui est quand même importante. Avec qui vous travaillez là-dessus? Alors, il y a l'espace EDF Bazac qui travaille avec William Lamarie, qui est le scénographe, avec qui on travaille généralement quand on est sur les expositions et qui s'occupe de la scénographie. Donc là, c'est quelque chose d'assez sobre, épuré, spacieux. C'est ce qu'on voulait. Donc, vous l'avez dit, votre public est... Enfin, c'est pour tout public ou c'est plutôt jeune? Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Alors nous, on cible les jeunes en animation dans nos actions, mais sur les expos, on est vraiment sur des publics familiales, sur des jeunes, des personnes plus âgées. De toute façon, l'animateur s'adapte toujours. Personnes qui sont là. J'ai vu sur Twitter, parce que vous tweetez pas mal, hein. par exemple, il y avait l'équipe de l'Université fédérale de Toulouse qui est venue en nombre. Alors, je sais pas trop ce qu'ils ont fait pour une découverte plutôt collective. Ils ont fait un team building. Yes. Vous connaissez. Mais vous allez nous raconter. Moi, je connais super bien. Donc, le principe, en fait, c'est que de faire une sortie avec des personnes d'une même entreprise ou d'une même structure, en tout cas, qui se retrouvent et ensuite fassent des animations ensemble pour renforcer un peu les liens, s'amuser, sortir un petit peu du contexte du travail. Voilà, et donc ils sont venus, ils ont décidé de venir dans cette expo et ils ont vraiment apprécié a priori. Et donc, ils ont travaillé sur quoi? Sur quel projet? Alors, ils ont imaginé justement des projets, par exemple, repenser vos chaussures ou votre manteau. Voilà. Il y en a qui ont imaginé des manteaux, je crois, en peau de saumon. En peau de silure, voilà, justement pour restituer les silures qui sont dans la Garonne, qui polluent la Garonne. Voilà, ils ont été très sensibles aussi à la thématique de l'espace EDF Bazacle. Et donc, ça part vraiment dans tous les sens. Après, on leur a fait un petit quiz un peu de culture générale. Et ensuite, Ils sont forts ou pas? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez eu des retours sur l'exposition depuis son démarrage le 1er décembre, donc ça fait un mois et demi? On a eu des retours plutôt positifs. Alors, c'est vrai que les ateliers, ça plaît beaucoup. Donc, c'est plutôt le week-end, les ateliers, pendant les vacances scolaires? Tout à fait. Il n'y en a pas, là en ce moment, il n'y en a pas, par exemple? Non. Mais de manière générale, il y a des retours donc à l'accueil de l'espace EDF, il y a des retours quand même très positifs. Voilà, pas de frustration. Et les gens prennent soin du matériel, ce qui est assez appréciable aussi, parce qu'on laisse des jeux de société à disposition. Et puis, voilà, c'est très bien géré. Super. Merci Sarah Debeau. Rien à voir quoi que. On se retrouve dans un instant, le temps d'un court voyage au Cap-Vert, avec le morceau Saudade de Cesaria Evora, pour le plaisir. Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, Saninclão. Saudade, saudade, saudade, minha terra, Saninclão. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Saninclão. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Saninclão. Se vou escrever, monta a escrever. Se vou esquecer, monta a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, monta a escrever. Se vou esquecer, monta a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, Saninclão. Saudade, saudade, saudades minha terra se me clau. On écoutait à l'instant le morceau Sold Out par Cesaria Evora. Il est sorti en 92 sur l'album Miss Perfumundo. C'est pas ça, en plus c'est beaucoup moins compliqué, bref. Et on est toujours en compagnie de Sarah Debout de Science Animation, qui est une association à l'occasion de l'exposition Innover à découvrir jusqu'au 10 juin 2018. Et c'est l'heure où il y a des travaux, il y a toujours des travaux à cette heure-ci pendant l'émission, à l'espace EDF Bazac, le quai Saint-Pierre à Toulouse, en bordure de Garonne. C'est vraiment un lieu... moi que j'adore, il y a une terrasse, il y a du soleil tout le temps et une vue imprenable sur la Garonne, mais il y a pas de café. Alors l'exposition Innover propose une visite en trois grandes thématiques: l'innovation, la créativité et le prototypage et l'univers des Fab Labs. Alors la première partie, c'est l'innovation, hein. Donc c'est qui permet de définir le concept. Un d'innovation, de découverte et d'invention, et il y a une différence entre les trois. Quelle est-elle ? Sarah. Très bien. Alors, une innovation, bon, déjà, on entend « nov » un peu, donc on peut s'imaginer que c'est nouveau, exactement. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas avant. Première chose. Deuxième chose, il faut que ça change nos modes de vie, que ça ait un réel impact sur nos modes de vie. Et troisième chose, il faut que ça rencontre son public, c'est-à-dire qu'on peut faire des gros bides et auquel cas, on est simplement... Une invention, c'est déjà pas mal. On a fait travailler nos neurones et notre inventivité, mais on ne sera pas une innovation. Donc c'est la mise sur le marché qui fait que c'est une innovation. Alors, mise sur le marché ou pas forcément. En tout cas, c'est vrai qu'il y a souvent une dimension économique, c'est vrai. Mais heureusement, parfois, il y a des innovations qui rencontrent des publics et qui ne sont pas forcément à vendre ou... voilà. Et les découvertes, alors c'est... Et les découvertes, c'est... Alors, là, maintenant, c'est la différence entre découverte et invention. Donc, découverte, c'est plus conceptuel, dans le sens où on va découvrir la radioactivité, on ne va pas l'inventer. On va découvrir la pénicilline aussi, on ne va pas l'inventer. Voilà. Et les inventions, bah, ça va être les machines volantes de Léonard de Vinci, qui n'ont jamais abouti, mais qui sont intéressantes tout de même. Voilà. Donc, on fait un peu cette dissociation et on présente différents inventeurs, notamment. Donc vous pourrez découvrir. Par exemple, celui qui a inventé la clémentine en mélangeant, en hybridant un oranger et un mandarinier. Et c'est le frère Clément. Ouh. Voilà. Il y en a plein d'autres, des plus connus et des moins connus. Et il y a des créateurs toulousains, par exemple. Alors oui, tout à fait. Alors moi, personnellement, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. En tout cas, j'ai une petite devinette pour vous, si vous voulez. Oula. Sur une innovation, ça va être très facile. C'est une de mes innovations préférées et je l'utilise énormément. Alors, je suis une innovation radicale et sociale qui a transformé l'usage des transports. Basée sur le partage, je permets à des inconnus de voyager ensemble. Favorisé ces dernières années par l'essor d'Internet... BlaBlaCar. Oui, le covoiturage. Alors, le covoiturage, pardon, le covoiturage. Finissez, Sarah. Et donc, favorisé ces dernières années par l'essor d'Internet, je suis pourtant née bien avant, dans les années 1950, lorsque des associations ont décidé d'améliorer l'autostop. Voilà, tout simplement. J'adore BlaBlaCar. Alors, deuxième partie, donc de thème, c'est la créativité. Alors là, le visiteur, vous l'invitez à apprendre à animer, on en parlait tout à l'heure, à une séance de créativité, à classifier, à sélectionner les idées les plus intéressantes. Concrètement, ça se passe comment ? Est-ce que c'est toujours avec ces fameux post-it collés partout ? Il faut dire que ça fonctionne, oui, quand même pas mal. Beaucoup, effectivement. Des post-it, d'une part, parce qu'il faut aller vite et être concis. Et aussi, voilà, parce que c'est visuel, forcément, il faut tout écrire. Puisqu'effectivement, on a cette tendance à vouloir parler, des fois en brainstorming. Et en fait, on oublie la moitié des choses qu'on a dit. Donc, voilà, c'est important d'écrire. Du coup, la créativité, effectivement, c'est beaucoup avec de l'écrit, en tout cas. Après, ça peut être avec des dessins, des choses comme ça. L'important, c'est de s'amuser, l'esprit créatif. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles ne sont pas créatives, mais en fait, il y a des méthodes pour ça. Donc, rassurez-vous, tout le monde peut être créatif. Alors, vous parlez de la méthode ACIT. Alors, moi, je connaissais pas la réflexion inventive systémique avancée. Alors, celle-ci, ah, je ne connais pas. J'en connais d'autres. Je connais le scénario catastrophe, par exemple. C'est-à-dire? Imaginer le pire et tout convertir en positif ensuite. Donc, quelque chose qui vous déplaît, ça dépend de la thématique qu'on peut traiter. À un moment, on a fait une exposition sur la ville et je sais qu'il fallait imaginer la pire ville et trouver des moyens de répondre, en fait, à ce problème-là. Donc, ça, c'est quelque chose de classique et qui s'adresse vraiment à tout niveau. Alors la troisième partie, donc dans ce thème-là aussi, vous proposez un focus autour de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, oui, du brevet. C'est important cet aspect-là. Alors je pense qu'effectivement il est important. Après nous, on est plutôt pour l'open source général et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'intéresse pas mal au Fab Lab. Donc on le mentionne parce qu'effectivement c'est important, mais voilà, on ne développe pas plus que ça. Ouais. C'est quoi un Fab Lab? Alors un Fab Lab, c'est un lieu, un tiers-lieu, on appelle ça, je ne sais pas si pour vous c'est très clair la notion de tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est un lieu à mi-chemin, donc pas géographiquement, mais à mi-chemin entre la maison et le travail, on va dire. Donc c'est un lieu plutôt convivial de manière générale, avec des outils, un petit peu comme un atelier, donc on a plein d'outils, on peut avoir des outils à commande numérique et des outils classiques, et l'idée c'est de créer soi-même des choses. Voilà. Donc des prototypes, des choses qui existent déjà aussi, de s'essayer à utiliser les machines pour ensuite faire des choses soi-même. Voilà. Donc ça peut dans le Fab Lab, enfin il y a plusieurs Fab Labs à Toulouse, je sais qu'il y a des personnes qui font leur propre drone, il y en a qui créent des choses sur mesure très très très grandes, il y a des tout petits objets aussi qui peuvent être faits et on a des imprimantes 3D, la découpe laser, voilà, c'est les plus connus en général. Il y a une imprimante 3D dans l'exposition Innover. Oui, on peut la manipuler ou... Alors, on présente à l'animateur. Effectivement, donc on la voit en général en fonctionnement, après on en a mis deux à voir de manière générale. Et vous parlez en première partie aussi du do it yourself, donc est-ce que vous pouvez en dire un mot? On en parle beaucoup en ce moment. Tout à fait, justement les Fab Labs en fait intègrent cette composante-là, ça veut dire faire soi-même le do it yourself, donc c'est un terme un peu à la mode, un peu comme l'innovation on va dire, et là on essaie de l'expliciter, ça veut dire faire soi-même, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer soi-même des objets, soit par le biais des Fab Labs, mais aussi on a l'habitude de faire la décoration chez soi, de faire ses propres cadeaux, surtout que c'était la période de Noël là. Voilà, donc c'est essayer de se réapproprier notre mode de consommation d'une manière différente, en se rendant compte aussi du travail que c'est finalement d'avoir tous ces objets là. Donc c'est vrai qu'on a pour cet espace là on a fait appel à plusieurs structure, on a fait appel à la Glanerie qui est une ressourcerie donc à Toulouse, qui récupère des objets, les customise, etc. Donc évidemment, c'est un lieu qui a des employés, mais on peut tout à fait imaginer le faire soi-même, ce genre de choses-là, c'est à portée de tous. Donc il y a des gens de la Glanerie qui organisent les ateliers do it yourself. Non, eux, ils ont fait des objets. Mais pour montrer aux gens que ça existe aussi, ces endroits-là. Et voilà, on a aussi fait appel à une jeune étudiante dans les Beaux-Arts qui utilise des matériaux de récupération pour faire du mobilier de jardin. Très sympathique. Voilà. Donc, plein de choses. Il y a aussi un quiz. Alors, je l'ai fait, je me souviens plus, j'étais un peu déçue. Quel innovateur êtes-vous, s'inspirant des tests de personnalité des magazines? Comment ça marche? Alors, justement, moi, c'est ma collègue qui l'a conçu, celui-ci. Allez, on charge la collègue. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi, personnellement, je ne l'avais pas testé avant. Vous étiez quel innovateur? J'ai oublié. Ouais. Ça ne m'a pas déçue. Du tout... par rapport aux questions, par rapport à mes réponses, je m'attendais. Mais peut-être que je voulais être une super innovatrice, mais en fait, j'étais moyenne de base. J'étais vexée, en fait, sûrement. Oui, alors après, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. En tout cas, il y a plusieurs types d'innovateurs. Il y a ceux qui ont confiance en eux aussi. Il y a ceux qui osent. Il y a ceux qui vont plus avec parcimonie. Donc forcément, ça peut plus ou moins aider selon les cas. Et en première partie, vous parliez de jeux. Alors, quel genre de jeux ce sont? Alors on a des jeux. Il y en a un, Imagine. Il s'appelle comme ça, Imagine. Avec les jeux de société. Oui, jeux de société. Ah, ouais, ouais. Oui, alors les jeux de société. Alors on en a plusieurs. Il y a le Timeline, par exemple, des inventions. Donc celui-ci, je l'aime bien. Ça c'est plus une question d'une culture générale. Et après il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Story Cube. Donc celui-ci c'est le but c'est d'inventer des histoires avec des petites images. Donc voilà, faire travailler l'imaginaire. Donc les gens s'installent à table. Tout à fait, ça marche très très bien d'ailleurs. Ouais, vraiment. C'est super ça. Et alors on peut, bon là je l'ai dit, hein, manipuler, jouer, et il y a aussi un écran, alors je vais vous citer quelques citations que j'ai pu lire, hein, qui défilent, comme de petites occasions sont souvent à l'origine de grandes entreprises. Oui. Qui a dit ça? Démosthène, c'était un peu dur. Ou alors une contre-prêterie qui dit face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Ça, c'est Francis Blanche. Ou alors, il s'agit moins de penser davantage que de penser autrement. Je ne sais pas qui a choisi ces citations. C'est ma collègue aussi, elle fait les choses bien. Mais c'est pas mal parce qu'en fait, c'est un écran qui défile tout doucement. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver derrière et ça défile tout doucement. C'est assez chouette. Sarah Debeau, un grand merci, merci d'être venue faire un tour de Rien à voir quoique. Alors, je rappelle que l'exposition participative innovée, donc, est à découvrir jusqu'au 10 juin. Donc, il y a le temps. À l'espace EDF Bazac, là, c'est 11 quai Saint-Pierre. L'entrée est complètement gratuite. Alors, c'est du mardi au dimanche, 10h à 18h, c'est ça? Et vous avez des dates d'ateliers ou pour les vacances scolaires? Alors, donc, on a les ateliers Do It Yourself. Donc, là, on peut s'amuser à fabriquer et à manipuler avec les imprimantes 3D et la découpe laser. Donc ça, c'est jusqu'à début février. Et ensuite, on enchaîne avec justement les ateliers sur la créativité, où là, on va pouvoir découvrir justement ces méthodes, ces fameuses méthodes. On les choisit et on s'amuse en famille, tout seul, à plusieurs, bon bref, à imaginer d'autres choses. Et l'innovation, donc là, la partie j'innove, ce sera à partir du 31 mars jusqu'en juin et pendant les vacances de printemps. Et donc là, on s'intéressera plus à des questions de culture générale. On pourra aussi tester justement certains jeux, voilà, et découvrir les différences, les différents types d'innovations. Donc toutes les infos sont sur le site bazac.edf.com ou le site de Science Animation www.science-animation.org. Merci encore Sarah Debeau et je vous propose d'écouter un morceau du groupe toulousain Kidwise. Ça s'appelle L'innocence dans Rien à voir quoique sur Campus FM. Son, ça s'appelle L'innocence par le groupe toulousain Kidwise. Et pourquoi j'ai mis ce morceau? Parce que ils sont en concert à Toulouse jeudi 18 et vendredi 19 janvier au Connection Live. Et après, il faut une pause, donc c'est la dernière fois que vous pourrez pour aller les voir en concert. Bonsoir, monsieur. Il y a de la joie. Il y a de la joie, merci. www.campusfm.fr. Edgar. C'est moi, je suis enfin arrivé. Bon, ça alors, va ça va, très bien. Et vous? Ouais, super. Très bien. Bon, bah moi, pour ma chronique musicale, on va partir de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis pour être plus précis, pour parler d'un sacré phénomène qui remue pas mal la sphère du hip-hop. Un phénomène, ou plutôt plusieurs, puisque c'est un groupe qui s'appelle Brockhampton. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je les ai trouvés particulièrement délaissés dans les tops de fin d'année. Vous savez, ces classements qu'on retrouve chaque décembre et où des structures ou des personnes annoncent leurs albums préférés. Et bah aucune trace de ce groupe, alors que vous allez le voir, leur activité tout au long de l'année, elle a été plutôt importante et de qualité. Enfin voilà, je voulais que justice soit faite et en même temps leur rendre un petit hommage par la même occasion. Alors la première chose à savoir sur Brockhampton, c'est que c'est un boys band. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se sont autoproclamés. Après, des garçons. Des garçons, c'est ça. Mais après, qu'est-ce qu'un boys band au final? Est-ce que le Wu-Tang Clan, ça serait pas un boys band aussi? En tout cas, on retrouve ici une volonté phare du groupe, c'est-à-dire casser les conventions, de tout faire un peu différemment. Parce que faut se l'avouer, un boys band, c'est quelque chose d'un peu mal vu de nos jours. C'est vrai que c'est aussi un petit coup de com' parce que c'est un terme qui intrigue et tellement paradoxal de l'idée qu'on se fait du hip-hop aujourd'hui. Une autre originalité de ce groupe, c'est qu'il s'est créé sur un forum pour les fans de Kanye West, si je me souviens bien. En gros, c'est un internaute qui a simplement demandé qui était partant pour monter un groupe. Résultat, il y a eu pas loin d'une trentaine de réponses et le groupe se forme. C'est simple en fait, la musique. Je vais peut-être pas vous énumérer et vous présenter chaque membre du groupe parce qu'ils sont pas 30, mais on compte quand même 10 principaux membres, ce qui est pas mal, mais bon, ça leur plairait pas trop que je dise ça puisqu'ils mettent un point d'honneur à ce qu'aucun membre soit au second plan. Du coup, ils sont plutôt 14 vu que le photographe, le web designer, le graphiste et le manager sont considérés comme faisant partie intégrante du groupe, au même titre que les différents MC et producteurs. Alors tout ce petit monde, il a décidé d'emménager ensemble dans la même maison, en Californie, une sacrée coloc, qu'on peut aussi voir comme une résidence d'artistes, parce que ça a plutôt bien fonctionné. Dès qu'ils ont emménagé, ils ont quand même sorti 3 albums, Saturation 1, Saturation 2, et attention, originalité oblige, Saturation 3. Bien vu, 3 albums en un an, autant dire qu'ils n'ont pas chômé, d'autant que les albums sont vraiment bons, avec des morceaux variés les uns des autres. Production léchée, des flows très différents d'un rappeur à l'autre, à tel point qu'on peut reconnaître dès les premières paroles à quel MC on a affaire, si tant est qu'on voit qui il est. D'ailleurs, les paroles sont, bon, pour la plupart du temps, légèrement what the fuck, mais elles sont aussi très souvent engagées sur des thèmes plutôt classiques dans le hip-hop, comme le racisme et la pauvreté, mais aussi sur des sujets plus rares, comme le fait qu'une femme soit considérée comme un objet dans le hip-hop, ou encore la culture du viol dans les paroles de certains rappeurs dont je tairai le nom qui pour me pas ça non plus, mais qui sont un peu limites des fois. Kevin Abstract, l'un des rappeurs principaux, il critique ça justement, hein, on est d'accord. Ah d'accord, j'ai... il critique ça. Kevin Abstract, l'un des rappeurs, parvient même à assumer sa propre homosexualité dans ses paroles, chose, on est d'accord, qui dans le hip-hop est plutôt rare. Ça va, en revanche. Oui. En ce qui concerne l'actualité du boys band, il n'y a pas d'autre album de prévu, bien que ça viendra sûrement un jour. Il faut dire que le volume 3 de Saturation est sorti à la mi-décembre. Mais voilà, la trilogie est bouclée et maintenant, il leur faut faire des concerts. Une tournée qui se déroule seulement en Amérique du Nord, malheureusement, et qui s'appelle Love Your Parents Tour. Parce que c'est vrai, aimons nos parents, on ne le dira jamais assez. Après cette tournée, un autre projet, vu que ça ne s'arrête jamais... Ils ont prévu de créer un film, un long métrage pour retranscrire l'ambiance et l'histoire de leur trilogie Saturation. Bon, pour finir, je vous autant écouter comment ça sonne, Brockhampton, et ce avec le morceau Face, qui est paru sur le premier des 3 albums, Saturation, lui-même sorti en juin. Saturation. Tell me what you want. I just wanna love you. Tell me what you waiting for. I just wanna love you, just wanna hold you, never will lie to you. Tell me what you waiting for. What you waiting for? It feels like I could see the past in your eyes. I know the future has been passing you by. These other niggas, they just passing your time. They don't know how to ride the tidal waves that crash in your thighs. But I got a dream, and if you believe, then I can take you somewhere that is pristine. I'm keeping it clean, my title is mean. They boxing the simmer, we broke out the scenes. Don't make me a fiend, I know what I want. I'm working to get everything that I need. But I got a plan for you, I'm taking the stand for you, I care for you. What's your motive with me, baby? Cause I don't trust nobody lately. I trust them to moving just like a serve. And times are coming just like a virgin. Get you well out of my head. Cause lately I'm better off dead. I say this all out of respect. Sometimes I want nothing with you. Wearing your love like medallions. Cause I know thousand men want you. What's no menage? Fucking riding shotguns up your buns. Melon fading under stars in the sun. 85-90 gon' bust out the gun. No, they sent me from the neck of the woods. Changed my name, stay so they never could. I just wanna love you. Tell me what you waiting for. I just wanna hold you. Tell me what you waiting for. I just wanna love you, just wanna hold you. Never will lie to you. Tell me what you waiting for. I love when you come. I love when you come. I still feel alone. You make it warm in my bed. Butterflies in my head. Sunrise, let it set. But you don't love me like you say you do. White lies hold the hidden truth. You keep leaving when I need you most. It's true what they say about love had and love lost. Here you are, and now you're gone. I'm left alone in the same bed. I wake up in a cold sweat. C'était trop sympa. Bah, j'ai pris un morceau assez soft hein, pour le coup, parce qu'il y en a qui sont vraiment plus hip-hop, limite un peu trap parfois. C'est ça, c'était pas du hip-hop. Si, c'était du hip-hop, c'était si, si, très clairement. Mais léger, léger, voilà. Du hip-hop de boys band. Voilà, exactement. Non, très joli. Donc il s'appelle comment ? Brockhampton, et le morceau s'appelait Face. Voilà, voilà. Merci. Merci. Yeah. Hein? Lou, tu veux dire un truc? Ton micro est ouvert. Oui, c'est ce que je me demandais. C'est bon, je sais maintenant. Alors, figurez-vous que demain matin, vendredi, c'est la sortie du numéro 1 d'Hebdo, le nouvel hebdomadaire des revues 21 et 6 mois dans tous les bons kiosques en France. Pour l'achat d'un exemplaire d'Hebdo, 3,50€, vous rendrez possible une aventure de presse unique en son genre, sans publicité, libre d'enquête et de publier. Un hebdomadaire proche de ses lecteurs, indépendant et inspirant. Un petit peu comme nous, quoi. Et n'oubliez pas, demain soir, vendredi 12 janvier, toujours, les animateurs de l'émission Bam Salut et ses amis une émission sur Campus FM organise une soirée au Bistrot des Minimes. Le Bistrot des Minimes se trouve 13 avenue des Minimes. C'est à partir de 21h et c'est gratuit. Au programme, une sélection Roots Reggae, Roda Dub par Bam Salut et ses amis, Sound System et Syriac. C'est demain, donc vendredi, au Bistrot des Minimes. Merci encore à notre invitée Sarah Debeau de Science Animation. Et puis merci à Lou. Avec plaisir. Merci Edgar pour ta chronique du jeudi soir. Un grand merci à Jocelyne à la réalisation technique de l'émission, car sans réalisation technique, eh bien pas d'émission. Vous pourrez retrouver les podcasts de nos émissions sur le Mixcloud de Campus FM ou sur la page Facebook de l'émission Rien à voir quoique, je le dis à chaque fois. Likez, chérez, partagez, lovez, commentez, on sera hyper contents. Je vous souhaite une bonne soirée et restez branchés sur les ondes de Campus FM avec, dans quelques instants, je ne sais pas quelle heure il est, dans 10 minutes, vous avez le temps, Open Close, l'émission 100% afro de Campus FM. Belle soirée.